France Inter, franceinter.com. L'actualité l'imposait. L'actualité, c'est-à-dire le procès de ce que l'on a appelé l'Angola Gate ou encore l'affaire Falcon, du nom de cet homme d'affaires français qui a conclu un formidable contrat de vente d'armes avec l'Angola. Mais un contrat qui, au lieu de la loi, aurait été illégal et vaut aujourd'hui à une impressionnante brochette de personnalités de s'asseoir dans le box des accusés pour un procès qui va durer des mois. J'ai donc demandé à M. X de se pencher sur ce dossier sulfureux et plus largement sur l'implication de la France dans les affaires angolaises. Notre pays a en effet joué un rôle essentiel en Angola, ancienne colonie portugaise, qui ne faisait pourtant pas partie de son précaré en Afrique, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la France-Afrique. Mais il y avait les gigantesques ressources pétrolières de l'Angola, principal producteur africain avec le Nigeria. Des richesses qui ont donné le tournis à une myriade d'hommes d'affaires et de politiciens de tout poil et ont engendré une atroce guerre civile qui s'est prolongée pendant plus d'un quart de siècle. Au milieu de ce désastre humain, la stature d'un homme émerge, celle de Jonas Savimbi, un dirigeant qu'un ancien chef de nos services secrets n'a pas hésité à qualifier de « De Gaulle africain ». Savimbi est mort les armes à la main il y a 6 ans au cours d'un épisode qui ressemble à une exécution en bonne et due forme. Et là encore, des Français sont impliqués. C'est en tout cas la conviction de M. X. Sempre me dizes que chega, nunca mais acontece. Toda hora te espero, todo dia em Caxixe. Quero ouvir o teu passo, quero ocupar o teu espaço. Nunca deixas teu traço, onde deixas pedaço. Caxixe, Caxixe, Caxixe. Tenho motivo de sobra pra confiar na onda. Detestar essa cobra que me ronda na borda. Falam de ti, Serena, dizem que és donzela. Sabes lidar com a fera, mas buscam em ti mazelas. Cachê-chê, cachê-chê, cachê-chê, cachê-chê. Sempre me dizes que chegas, nunca mais acontece. Toda hora te espero, todo dia em Caxixe. Quero ouvir teu passo, quero ocupar teu espaço. Nunca deixas teu traço, onde deixas pedaço. Caxixe, Caxixe, Caxixe. Tenho motivo de sobra pra confiar na onda. Detestar essa cobra que me ronda na borda. Falam de ti, Serena, dizem que és donzela. Sabes lidar com a fera, mas buscam em ti mazelas. Cachixe, vem pra me dar e cachixe, vem me buscar e cachixe, ai ai ai, cachixe, cachixe, ai ué garina, cachixe, é contigo, cachixe, olha o monaguia, cachixe, ai ué, cachixe, outra vez, cachixe, toda hora hein, cachixe, toda hora hein, cachixe, nunca se entregue, cachixe, ai ué toda hora hein. Cachixe, tá se escondendo. Cachixe, cachixe. L'Angola aujourd'hui, c'est le pays de tous les paradoxes. Un seul chiffre, et vous comprendrez, son taux de croissance est aujourd'hui de 21%. Une sorte de record mondial. À peu près. Dans la capitale, Luanda, on voit pousser tours et hôtels de luxe, tandis que les rues généralement embouteillées sont parcourues par des théories de 4x4 aux vitres teintées. En même temps, à proximité de l'aéroport, les jets des hommes d'affaires du monde entier survolent au décollage ou à l'atterrissage un vaste terrain vague où des enfants errent parmi les immondices. Et les bidonvilles affleurent dès qu'on quitte le centre. Une croissance à deux vitesses. Donc. Oui, l'argent du pétrole ne profite pas à tout le monde, c'est évident. Et si l'Angola se couvre rapidement d'équipements divers, la population demeure encore largement illettrée et le pays n'en a pas encore fini avec les séquelles de la guerre. Ces 100 000 handicapés, souvent des victimes des mines antipersonnelles qui sont oubliées par les autorités et abandonnées à eux-mêmes. Mais le pays vit enfin en paix. C'est vrai, même si le calme n'est pas tout à fait acquis dans l'enclave de Cabinda, au nord du pays. Mais j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler parce que ce minuscule territoire qu'on a appelé le Koweït de l'Afrique a beaucoup intéressé la France et que nos agents secrets y ont joué les apprentis sorciers. Ouais, toujours à cause du pétrole. Bien entendu. Ouais. Mais raison supplémentaire d'évoquer le sort de cette enclave angolaise sertie dans la République démocratique du Congo. C'est l'affaire Dieu le veut. Attendez, quel rapport avec notre histoire, là ? J'y reviendrai, mais ça, je vous le promets. Alors, brièvement, je peux déjà vous dire qu'il est possible d'imaginer que le raid fluvial de Philippe de Dieu le veut devait le conduire jusqu'à Cabinda. Dieu le veut qui aurait été très proche de nos services de renseignement. Voilà, ça mérite qu'on s'y arrête un peu plus longuement. Autre élément capital, pour bien fixer le cadre de notre entretien, si l'homme fort de l'Angola, le président Eduardo de Santos, a fini par triompher de ses adversaires, il le doit en partie à l'Angola Gate, c'est-à-dire à ses livraisons massives d'équipements militaires qui lui sont parvenus à un moment où il était sérieusement en difficulté. Enfin, j'en aurais fini avec cette introduction. Vous devez savoir que le tiers du pétrole angolais est extrait et commercialisé par Total. Ouais, donc la France est très présente là-bas. Mais ce n'est pas un hasard si Nicolas Sarkozy a éprouvé le besoin pressant d'y faire une visite avant même que s'ouvre à Paris le procès de l'Angola Gate. Ouais, la nécessité de rassurer. Et de se rabibocher avec un leader africain qui considère que ce procès est une ingérence dans les affaires intérieures de son pays. D'ailleurs, Paris a pris bien soin de rasséréner Luanda. Aucun citoyen angolais n'aura à répondre de ses actes devant la justice française. Et au fond, tant à Paris qu'à Luanda, on se serait bien passé de remuer ce linge sale au grand air. Bon. Alors maintenant, par où commencer ? Un peu de géographie d'abord. Simplifier, disons qu'il existe deux Angola. Et ça explique en partie les événements de ces trois dernières décennies. Il y a donc le littoral et l'intérieur. La côte, c'est une bande nord-sud de 200 km de large où se situent les principales villes et qui a grandement profité de la colonisation. La colonisation portugaise. L'Angola, la plus grande des colonies portugaises africaines, a été occupée dès le XVIe siècle. Ce littoral est une riche plaine au climat équatorial. Et sa population ? On y trouve essentiellement des représentants de l'ethnie originelle, les Kimbundu. Mais au fil des siècles, s'y sont agrégés des métis et ceux que l'on appelle les assimilados. C'est-à-dire des autochtones assimilés. Et puis il y a l'intérieur de ce pays, grand comme deux fois la France. Un plateau situé entre 1000 et 2000 mètres d'altitude, essentiellement peuplé de paysans de l'ethnie Ovimbundu. Ce sont eux qui ont payé le plus lourd tribut à la traite négrière pratiquée par les Portugais avec la complicité des indigènes du littoral et de leurs chefs coutumiers. D'où l'hostilité entre ces deux groupes ethniques. C'est évident. Ouais. On estime généralement que plus de 7 millions d'Angolais ont ainsi été déportés au fil des siècles vers le Nouveau Monde. C'est considérable, hein ? Et ce trafic d'êtres humains, qui n'a cessé que très tardivement, a forcément laissé des traces et engendré de nombreuses rancœurs. Et puis le mot est faible. Enfin, poursuivons. L'Angola commence à bouger au début des années 1960. Oui, alors même que les colonies francophones viennent d'accéder à l'indépendance. Et pendant une quinzaine d'années, les nationalistes angolais vont lutter sans répit contre les Portugais. Ils seront même indirectement à l'origine de la révolution des œillets en 1974. La chute de la dictature. C'est ça. Les jeunes capitaines portugais qui s'emparent du pouvoir à Lisbonne ont tous été marqués par la sale guerre coloniale qu'ils ont dû mener en Angola. Et le nouveau pouvoir, à la faveur du retour à la démocratie, va s'empresser de donner leur indépendance à toutes les colonies portugaises. Mais en Angola, la situation est particulièrement compliquée. Pourquoi particulièrement ? Parce qu'avant même d'avoir conquis l'indépendance, les nationalistes angolais étaient divisés. Et leur rivalité iront en augmentant dès que l'Angola échappera à la tutelle portugaise. Et alors, ces mouvements indépendantistes hein ? Historiquement, le premier, c'est le MPLA, c'est-à-dire le Mouvement Populaire pour la Libération de l'Angola. Soutenu par le Parti communiste portugais, il est d'inspiration marxiste et recrute surtout dans la bande côtière, là où se trouvent beaucoup de métis, et d'une façon plus générale, les élites du pays. Son chef est le docteur Agostinho Neto. Et les autres ? Il y en a deux. Le FNLA, le Front National de Libération de l'Angola, dirigé par Roberto Holden, un parent du président du Zaïre, Mobutu. Mais ce mouvement se révélera très proche de la CIA et il sera assez rapidement exclu de la compétition malgré le soutien zaïrois. L'autre, beaucoup plus important, c'est l'UNITA de Jonas Savimbi. UNITA, communauté ? Le nom est bien sûr symbolique. Mais l'UNITA est d'abord l'acronyme de l'Union pour l'indépendance totale de l'Angola. Savimbi est un Ovimbundu, c'est donc un homme de l'intérieur. Et politiquement ? C'est très curieux. Cet ancien étudiant en médecine, fils du premier chef de guerre indigène de l'Angola, a basculé très tôt dans le combat anticolonialiste. Savimbi est d'abord très influencé par le marxisme à la chinoise. Et il construit son mouvement selon les préceptes maoïstes. Mais bientôt, il va oublier l'idéologie et ne gardera que la méthode de direction. C'est-à-dire Une structure pyramidale, très rigide, avec à sa tête, naturellement, Jonas Savimbi lui-même. Un chef incontesté, donc. Et qu'il vaut mieux ne pas contester. Ah bon ? Car Savimbi, qui a par ailleurs un charisme indéniable et un grand nombre d'autres qualités, n'est pas tendre avec ceux qui seraient tentés de mettre en cause son autorité. Enfin, n'allons pas trop loin. Oui, bon. Je retiens qu'il y a donc, dans cette rivalité entre les mouvements indépendantistes, une composante ethnique. Comme partout en Afrique. Mais aussi une dimension idéologique. Au début, incontestablement. Et elle illustre les déchirements entre les deux champions du monde communiste. Ainsi, l'URSS soutiendra le MPLA tandis que la Chine aidera l'UNITA. Même quand Savimbi, après son engouement de jeunesse pour le maoïsme, aura choisi clairement le camp occidental. Ouais. Et la guerre civile, parce que c'est de ça dont il va s'agir. Mm-hmm. Quand la guerre civile éclate, dès l'indépendance ? Pratiquement, oui. Mm. Le MPLA de Neto, qui a la sympathie des révolutionnaires portugais, s'installe à Luanda, la capitale. Et se substitue donc aux autorités coloniales. Mais aussitôt, les deux autres mouvements se lancent à l'assaut du nouveau pouvoir. Et ils sont l'un et l'autre soutenus par des troupes étrangères. Roberto Holden reçoit naturellement l'appui de l'armée zaïroise. Le Zaïre qui est voisin de l'Angola. Hein. Bien sûr, son puissant voisin du nord. Mais au sud, il y a la Namibie, contrôlée alors par l'Afrique du Sud. Et le pays de l'apartheid va aider militairement Savimbi. Et pourtant, Savimbi, l'ancien pro-chinois. Oui, enfin, c'est ainsi. Le MPLA, alors, si je vous ai bien compris, est donc pris en tenaille. Hein. Exactement. Et en cette année 75, sa situation est quasi désespérée. Mais heureusement pour Neto, les Cubains vont arriver. Les Cubains, ça veut donc dire que Moscou a donné son feu vert. Bien évidemment. Quant aux Sud-Africains, ils ne sont pas intervenus militairement sans avoir auparavant prévenu Washington. Washington qui a donc acquiescé. Qui a non seulement acquiescé, mais qui va fournir une importante aide matérielle aux troupes sud-africaines et par contre-coup à Savimbi lui-même. C'est donc, au fond, un nouvel épisode de la guerre froide qui se joue en Angola. Tout à fait. Les Cubains soutenus par les Soviétiques contre les Sud-Africains aidés par les Américains. The people, France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Monsieur X va évoquer longuement le parcours de Jonas Savimbi. Auparavant, il n'est pas inutile de revenir sur les débuts de son engagement. J'emprunte ses renseignements au périodique L'Autre Afrique dans un numéro paru en mars 2002. À Léopoldville, Jonas Savimbi participe à la fondation le 27 mars 1962 du Front National de Libération de l'Angola, FNLA, présidé par Holden Roberto. Dans le gouvernement révolutionnaire angolais en exil, Savimbi est chargé des affaires étrangères. C'est l'occasion pour lui de beaucoup voyager et de nouer des relations fructueuses. Mais le jeune ministre accuse Holden d'être faible et de s'appuyer sur les membres de son ethnie, les Congos. Netto l'appelle à Brazzaville. Là, Savimbi ne supporte pas l'élitisme ni le manque de combativité du MPLA qu'il considère comme l'instrument du Parti communiste portugais. Il lui reste une solution, créer son propre mouvement. Le 13 mars 1966, l'UNITA est fondée à Mangai, petite localité du centre de l'Angola. Trois principes guident le chef du nouveau mouvement. Lutter à côté des siens, compter sur les ressources internes, rendre les Angolais maîtres de leur destin. Savimbi s'inspire des théories de Mao Zedong sur l'occupation progressive des campagnes par les guérilleros et la mobilisation du potentiel des masses révolutionnaires paysannes. Début 1966, il va suivre une formation technique de la guérilla en Chine. C'est à partir de la Zambie que l'UNITA lance ses premières attaques en octobre 1966. Les adversaires du chef de l'UNITA ont toujours affirmé que, au cours de cette période, il a collaboré avec la PIDE, la police secrète portugaise, pour contrer le MPLA et le FNLA. Mais un de ses anciens proches soutient le contraire. Les contacts ont été établis uniquement avec des commerçants portugais dans la zone forestière pour des raisons de commodité. Et pourquoi alors tant d'intérêts étrangers pour l'Angola ? Ses ressources naturelles. Son sous-sol regorge de richesses. C'est là qu'on extrait les plus beaux diamants du monde. Et puis, il y a évidemment le pétrole. Les eaux angolaises offrent des ressources pétrolifères considérables, encore plus importantes que les gisements nigérians ou gabonais, c'est dire. Et d'ailleurs, au fil des années, on ne cessera de faire de nouvelles découvertes. Si vous voulez, j'ai quelques chiffres. Ouais. À la fin de décembre 1991, une revue spécialisée fait état de réserves totales pour l'Angola de 300 millions de tonnes, un chiffre à rapprocher des 100 millions du Gabon, troisième puissance pétrolifère d'Afrique noire. Cependant, les réserves prouvées de brut angolais se montraient en réalité à 410 millions de tonnes. C'est encore loin du Nigeria avec ses 2,4 milliards de tonnes, mais c'est plus de 4 fois les réserves gabonaises, une véritable manne. Mmh. Et ça, ce sont des chiffres un peu anciens. Hein. Mmh. Ce sont donc ces richesses qui expliquent cette compétition entre l'Est et l'Ouest. Naturellement. Mmh. Et la France dans tout ça, alors, comment se situe-t-elle ? La France, en Angola, c'est essentiellement la compagnie Elf. Et Elf, comme les autres pétroliers américains en particulier, en principe tout à craindre du régime marxiste qui s'est installé à Luanda. Ah, mais vous avez dit en principe. Bien entendu. Parce que les intérêts pétroliers, bien compris, s'accommodent de tous les régimes et de tous les systèmes. Oui, il suffit d'y mettre le prix. Et d'arroser là où il faut arroser. Peu de marxistes, même très convaincus, refusent très longtemps d'entendre ce genre d'arguments sonnants et trébuchants. Mais avant de voir comment va évoluer l'Angola, un mot sur cette enclave de Cabinda que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est un petit territoire de quelques 7000 km² coincé sur la côte atlantique, entre le Congo-Brazzaville et le Zaïre. Une ancienne colonie portugaise ? Oui, oui, un comptoir qui était très prospère au temps de la traite des esclaves, mais qui a ensuite peu à peu décliné. Jusqu'au moment, dans les années 60, où on y a découvert du pétrole, dans ses eaux territoriales. De fabuleux gisements, et pour les spécialistes, une sorte de formidable anomalie géologique. Ah oui. Mais administrativement, alors ? En 1975, Cabinda était rattaché à l'Angola. avec qui elle n'a pourtant aucune frontière. Non, puisque 60 km séparent Cabinda de l'Angola. Ce rattachement avec l'Angola est donc relativement artificiel. C'est l'exacte vérité. Et ça nous donne, à nous Français, une idée assez machiavélique. Mais attendez, quand vous dites là, à nous Français, à qui pensez-vous? À notre service de renseignement. Non, le SDEC à l'époque. Oui, oui, mais à l'époque, il s'appelait encore ainsi avant de devenir la DG sous Mitterrand. Il faut tout de suite dire que l'idée que je vais vous exposer convenait tout à fait aux dirigeants de la compagnie Elf. Dont le propre service de sécurité était souvent une courroie de transmission du SDEC. Hein. Elf, je vous le rappelle, avait été créé par le général de Gaulle pour défendre ou promouvoir nos intérêts énergétiques et même politiques, en particulier en Afrique. Mais nous en avons souvent parlé. Oui. Alors, l'idée des gens du SDEC, naturellement encouragée par le gouvernement français, eh bien, c'est de susciter un mouvement indépendantiste dans l'enclave de Cabinda. Ouais, un mouvement dirigé donc contre le pouvoir de Luanda. Oui, oui, ouais. Ainsi, on pouvait poursuivre deux objectifs. D'abord, on créait des difficultés au régime marxiste angolais. Et en pleine guerre froide, ce n'était pas négligeable. Ensuite, on mettait la main sur le prodigieux pactole pétrolier de l'enclave. Ouais, mais ce mouvement indépendantiste-là, a-t-il été créé de toutes pièces? Non, il existait déjà un fantomatique front de libération de l'enclave de Cabinda, le FLEC. Ouais, FLEC. Ouais. Et pourquoi fantomatique? Bon, au cours de la guerre d'indépendance contre le colonisateur portugais, ce FLEC n'a pas joué un bien grand rôle. Il a refusé en particulier d'avoir partie liée avec les autres mouvements révolutionnaires angolais. Pour quelle raison alors? Tout simplement parce que les Cabindais ne se sentent pas angolais. Ethniquement d'ailleurs, ils sont plus proches des Bakongo. C'est-à-dire des Congolais de l'Ouest, oui, hein, oui. Pour simplifier. Oui. Et les deux Congos, l'ex-français et l'ex-belge, se verraient bien l'un et l'autre annexer la riche enclave de Cabinda. En tout cas, il ne doit pas être trop difficile d'encourager le sentiment national chez les Cabindais. Hein. C'est exact. Et les Portugais, les premiers, s'y sont essayés. Mais les Angolais, nouvellement indépendants, ont tout de suite senti le danger. Et ils ont envoyé des troupes dans l'enclave. Il y a eu des combats? Quelques escarmouches, oui. Mais les Angolais ont rapidement maîtrisé la situation. D'autant que les séparatistes cabindais du FLEC se sont vite divisés. Alors, comment les Français vont-ils agir? En aidant matériellement l'une des composantes du FLEC, celle qui semble la plus déterminée. Et pour dire franchement les choses, ce sont nos services qui ont pratiquement ressuscité ce mouvement indépendantiste. Certains ont même pu dire que ce FLEC était une création française, une pure invention de nos services secrets. Voilà, au moins qui est clair. Et qui paie alors? La France, bien sûr. D'ailleurs, le gouvernement. Et Elf, qui pour des raisons évidentes passe aussi à la caisse. Puis il y a les Américains. Ah, eux aussi. Ouais. C'est normal. N'oubliez pas qu'il s'agit de lutter contre le pouvoir marxiste en place à Luanda. En outre, les compagnies pétrolières américaines sont intéressées au premier chef. C'est donc la Sainte Alliance contre le communisme. Et pour la préservation des intérêts capitalistes dans la région. Oui. Et pratiquement, comment ça se passe? Comme d'habitude. C'est-à-dire? Eh bien, on entraîne des Cabindais, on les arme et on recrute des mercenaires. Toujours les mêmes. Tous ces chiens de guerre qui ont participé avec la complicité du SDEC à tous nos mauvais coups sur le continent. Au Katanga, au Biafra, en Guinée. Ouais. Bob Denard. Il en est, naturellement. Et sur le terrain, alors? L'offensive commence d'abord en août 1975, avec la proclamation de l'indépendance du Cabinda par le porte-parole du FLEC en exil au Zaïre. Une proclamation purement formelle. Mais le mouvement est lancé. Et bientôt, les séparatistes vont passer à l'action. Comment alors? En novembre, les troupes indépendantistes regroupées au Zaïre entrent dans l'enclave de Cabinda. Mais c'est un fiasco. Pourquoi alors? D'une part, l'enclave est bien mieux défendue qu'on ne le croyait. Les Angolais, qui s'attendaient à devoir faire face à une invasion, avaient miné la frontière. Et les indépendantistes ont eu tout de suite de très lourdes pertes. Ensuite, on s'est vite aperçu que ce FLEC était une baudruche. Pourtant, derrière, m'avez-vous dit, il y avait nos services secrets? Oui, mais les gens du SDEC ont été abusés par les dirigeants du FLEC. Que voulez-vous dire, là? Dans les services, on pensait que les indépendantistes disposaient à l'intérieur de l'enclave de sérieux appuis, capables de relayer l'offensive militaire sur la frontière. Mais c'était faux, complètement faux. Ouais, bref, nos services de renseignement étaient mal renseignés. À peu près ça, oui. Et à la piscine, c'est-à-dire au siège du SDEC, on n'a guère apprécié. Quelques têtes sont même tombées. Et après cet échec, est-ce que la France renonce? Non, non, elle ne renoncera jamais à s'intéresser à l'Angola, comme on a pu le constater encore très récemment. Et le SDEC va continuer à entraîner des hommes et à mobiliser des mercenaires. Toutefois, la stratégie va changer. À cause de ce premier échec? Manifestement. Ouais. Il est désormais clair que le FLEC des indépendantistes cabindais est une coquille vide. Il faut donc plutôt choisir une stratégie d'encerclement si on veut se débarrasser des communistes en place à Luanda. Et donc ne pas seulement attaquer dans l'enclave de Cabinda. C'est tout à fait ça. Et dans cette optique, le pouvoir giscardien va conclure une alliance secrète avec l'Afrique du Sud, les États-Unis et bien sûr l'UNITA de Jonas Savimbi. L'UNITA qui apparaît comme la seule force capable de lutter efficacement sur le terrain contre le MPLA d'Agostinho Neto. Ouais. Et tout à l'heure, vous m'avez laissé entendre que la disparition de Philippe de Dieuleveu pouvait être liée à cette affaire. Volontiers, voyons cela tout de suite. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Dans un numéro récent de la revue Politique africaine, Jean-Michel Mabeko-Tali analyse les rapports entre l'Angola et la petite enclave de Cabinda. Cabinda, qui a été, selon cet auteur, une sorte de laboratoire de la lutte de libération nationale lors des dernières années de la période coloniale, car les indépendantistes angolais y ont expérimenté la guérilla. Sans jamais toutefois obtenir une large adhésion de la population camindaise, mais en promettant de reconnaître, une fois vaincu le colonialisme portugais, les droits du peuple camindais à un destin totalement à part ou tout au moins à une structure fédérale. Mais après la chute du régime colonial, poursuit l'auteur, toutes ces promesses ont été jetées aux orties. Les immenses champs pétroliers déjà en exploitation dans l'enclave ont pesé lourd dans le changement d'attitude du MPLA et dans les turbulences qui ont suivi. Depuis lors, Cabinda est en effet devenue une véritable vache à lait, fournissant 60% de la production pétrolière angolaise pendant les trois premières décennies de l'ère post-coloniale, en plus de richesses forestières et d'un sous-sol continental qui n'ont du reste pas encore dévoilé toute leur étendue. Mais la question du devenir de ce territoire n'a cessé de se poser depuis 1974 avec des hauts et des bas, au gré d'une part des enjeux régionaux de la question et des situations internes des pays frontaliers, en l'occurrence les deux Congos. Et d'autre part, de la stratégie du gouvernement angolais qui a cherché à diviser le mouvement indépendantiste tout en exigeant, des années durant, un interlocuteur valable pour des négociations. Thank you. Dieu le veut. Bah, vous le savez, c'est une enquête de votre consoeur Anna Mikkel, publiée dans le dernier numéro de la revue 21 qui a relancé l'affaire. Ah oui, d'après ce que j'ai eu, parce que j'ai lu 21, l'ancien animateur de la chasse au trésor aurait été assassiné. Oui, hein, oui, par des membres de la DSP congolaise, la division spéciale présidentielle, c'est-à-dire la garde personnelle de Mobutu. Oui, mais attendez, revenons à notre sujet. Là. Quel rapport avec Kabinda ? Dieu le veut, c'est son fils qui l'a affirmé, appartenait à la DGSE. C'était un honorable correspondant. Oui, c'est ce qu'on dit en général. Ouais. Et c'est vrai qu'au cours de ses nombreux déplacements, ce globe-trotter pouvait glaner des renseignements utiles. En 1985, donc, il participe à un raid fluvial sur le fleuve Congo. Avec ses compagnons, il veut en effet passer les fantastiques rapides d'Inga. Ouais, c'est un authentique exploit. Hein. Ouais, mais d'après la version officielle, son embarcation chavire et il se noie dans les remous. Toutefois, selon Anna Mikkel, il a en fait été capturé et brutalement interrogé par les hommes de Mobutu avant d'être exécuté. Ouais, mais pourquoi ? Bon, pour ma part, je ne vois que deux explications. La première, c'est que Dieu le veut et son équipe ont été pris pour des mercenaires ou des espions. On avait en effet à peu près au même moment informé les autorités congolaises qu'un commando aux ordres du colonel Kadhafi mènerait une action autour de la centrale hydroélectrique d'Inga. Et c'est... Barbouze de Mobutu aurait cru avoir affaire à ces terroristes. Et la deuxième hypothèse alors ? Bah, le fleuve Congo se jette dans l'Atlantique, pas très loin de la frontière avec Kabinda. Le véritable objectif de Dieu le veut n'était-il pas de recueillir des renseignements sur cette enclave auquel nos services s'intéressaient depuis si longtemps ? Et les agents congolais ont intercepté les membres du raid pour en savoir plus. Et ça a mal tourné. Bah, ça me paraît assez plausible, oui. Alors, après cette parenthèse... Revenons à la stricte histoire angolaise. Contre l'UNITA de Savimbi, le MPLA est puissamment aidé par les pays de l'Est, qui sont représentés sur place par les Cubains. Il y aura jusqu'à 50 000 militaires cubains en Angola. C'est alors que se noue une alliance secrète autour de Savimbi. Mais seule l'Afrique du Sud se mouillera, si j'ose dire. Elle se mouillera, c'est-à-dire qu'elle va envoyer des troupes. Oui, oui, car la France et les États-Unis, par l'intermédiaire de leurs services secrets, se contenteront de fournir des armes, des mercenaires, et de l'argent, bien sûr, des millions de dollars. J'ajoute que les Chinois n'ont pas été en reste et qu'ils ont aussi contribué à armer Savimbi. Des armes chinoises qui ont parfois été convoyées jusque dans les maquis de l'UNITA par des hommes du service action du SDEC. Des Français. Étrange collaboration. En effet, hein, pleine de contradictions. Car les Chinois alors, se retrouvent dans le même camp que les Sud-Africains et les Américains. Et ce n'est pas la seule contradiction. L'Angola du président Neto vit du pétrole. Uniquement du pétrole, car les diamants se trouvent à l'intérieur du pays dans des zones contrôlées par l'UNITA. Or, ce pétrole est extrait par des Américains, ces mêmes Américains qui aident par ailleurs Savimbi. Et puis il y a aussi Elf. C'est vrai, mais ce sont les sociétés américaines qui assurent le plus gros de l'exploitation. Si ces sociétés ferment le robinet, l'Angola est asphyxiée. Ouais. Les Angolais pourraient aussi nationaliser. Non, non, trop dangereux. Vous avez vu ce qui est arrivé à Mossadegh en Iran. En cas de nationalisation, les Occidentaux n'hésiteraient pas à intervenir par la force, ouvertement. Et puis, il faut des hommes, des techniciens, des compétences. Ouais, pour l'exploitation, ce que les Angolais ne possèdent pas forcément. Bien sûr, bien sûr. Alors on va assister à cette situation extravagante. Les sociétés américaines vont extraire leur pétrole sous la protection des communistes angolais, et même parfois des soldats cubains. Au royaume des affaires, il y a bien des accommodements possibles. Et même avec le diable. N'est-ce pas ? En tout cas, c'est à l'occasion de la création de cette coalition de circonstances que nous, Français, avons entamé notre long flirt avec Jonas Savimbi. Il faut dire qu'à Paris, le patron du SDEC, Alexandre Demaranche, s'est littéralement entiché de Savimbi. Entiché, vous n'exagérez pas un peu là. Ah, en aucune façon. Maranche l'a comparé à De Gaulle, vous imaginez. Mais le connaissait-il personnellement ? Oui, il l'a rencontré à plusieurs reprises. Il a même fait venir secrètement à Paris. Mieux, Alexandre Demaranche s'est lui-même rendu clandestinement en Angola pour voir Savimbi. Est-ce qu'il est d'usage là, que le patron des services secrets prenne de tels risques ? Certainement pas. Mais je vous l'ai dit, Maranche avait une folle admiration pour Savimbi. Est-ce qu'il était suivi en cela par le pouvoir ? Vous voulez dire Giscard d'Estaing ? Bah oui. Jusqu'à un certain point, en effet. Mais peu à peu, la détermination du président de la République a flanché. Et pourquoi ? À cause des soviétiques. Giscard ne voulait pas trop déplaire à Moscou. Et en 1978, il a demandé au SDEC de cesser d'aider l'UNITA. Et Alexandre de Maranche a obtempéré ? Bah, il était quand même difficile de désobéir au président de la République, mais Immédiatement, il a cherché une autre solution pour venir en aide à son grand ami Savimbi. Quoi ? Furieux contre Valéry Giscard d'Estaing, à qui il en a toujours voulu, le patron du SDEC ne voulait pas renoncer à venir en aide aux combattants de l'UNITA. Alors, pour tourner les ordres du président français, bah, il a fait appel aux Marocains et aux Saoudiens. Mais pourquoi eux en particulier ? Alexandre de Maranche avait d'excellentes relations personnelles avec le roi Hassan II. Il n'a pas eu de mal à le convaincre. Quant aux Saoudiens, il aurait été difficile de refuser de donner un coup de main à un leader africain aussi résolument anticommuniste. Mais cette aide, là, elle a pris quelle forme ? Bah, évidemment, Marocains et Saoudiens ne sont pas allés combattre sur le terrain, mais ils montent ensemble, avec l'assistance discrète de quelques types de chez nous, un véritable pont aérien à destination des maquis de l'UNITA. Et c'est ainsi que des dizaines, des centaines de tonnes d'armes d'origine les plus diverses sont livrées à Savimbi. Un trafic clandestin. Naturellement. Ouais. Enfin, déjà, si je puis dire. Et il ne fait nul doute qu'à cette occasion, certains marchands d'armes ont dû faire de fructueuses affaires et que les intermédiaires, il y a toujours des intermédiaires dans ce genre de trafic, ont dû toucher de colossales commissions. Et les Américains, alors ? Eh bien, aux États-Unis, il s'est passé à peu près la même chose qu'en France. C'est-à-dire ? Jusqu'en 1976, c'est le président Ford qui est aux commandes. Et il a donné le feu vert à la CIA pour aider Savimbi à coût de millions de dollars, tout en laissant le Congrès dans l'ignorance. Ouais, parce que le Congrès l'aurait désavoué. Bon, c'est certain. Les Américains sortaient tout juste de la guerre du Vietnam. Ils n'avaient pas envie de se trouver mêlés à un nouveau conflit hors de leur précaré. En outre, Jimmy Carter succède à Ford en novembre 1976. Et ce président donne l'ordre à la CIA de mettre immédiatement fin à ses activités en Angola. Et il est obéi ? Bah, en apparence, oui. Ce qui signifie alors ? Les types de la CIA agissent exactement comme Maranche. Ils trouvent un intermédiaire pour continuer à aider Savimbi. Et c'est tout naturellement l'Afrique du Sud. Pendant les 4 ans de la présidence Carter, le pays de l'apartheid va puissamment aider l'UNITA. Il faut dire que de l'autre côté, dans le camp soviétique, on ne lésine pas non plus sur les livraisons d'armes au gouvernement angolais. C'est par cargo entier que les armes soviétiques sont débarquées à Luanda. Et puis, il y a toujours la présence massive du contingent cubain. Mais j'imagine que l'élection de Ronald Reagan en 1980 va changer la donne. C'est certain. D'ailleurs, il est à peine élu qu'il reçoit la visite de notre ami Alexandre de Maranche. Ah oui, Maranche qui vient plaider la cause de Savimbi ? Oui, oui. Ce plaidoyer est écouté avec beaucoup d'attention par un Reagan décidé à tout faire pour affaiblir l'ogre soviétique. Ouais, l'empire du mal, hein, comme il ne va pas tarder à le nommer. Savimbi devient donc, aux yeux du président états-unien, l'un des meilleurs champions du monde libre. À samedi prochain pour la suite de ce récit consacré à l'Angola à l'occasion du procès de l'Angola Gate. À signaler la récente parution d'un livre éclairant sur les rapports de la France avec le continent africain, Sarkozy et l'Afrique, un ouvrage écrit par 2 spécialistes, Stephen Smith et Antoine Glaser, et puis aussi un ouvrage bien de chez nous, Les Dessous de la France-Afrique, un récit de Monsieur X, coédité par France Inter. Je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission, obtenir des renseignements tant musicaux que bibliographiques. Et merci à Michel Biou, Rebecca de Nantes et Monsieur Djoub. Et tout de suite après les infos, CO2, mon amour, de Denis Chessou.